Veuillez accepter quelques roses avec les souhaits de bonheur que pour vous nous dictent nos cœurs. Évidemment, c'est peu de choses en comparaison des cadeaux différents, nombreux et si beaux qu'on va vous donner tout à l'heure. Mais soyez merci beaucoup pour mes 20 ans. Déjà 20 ans, tâchons de les avoir longtemps. Dieu, que c'est fait un homme. soupçonneux, tandis que Dieu sait vraiment mieux. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, on les ferait marcher sur la tête facilement, je crois, si par malheur ils n'avaient pas à cet endroit précis des ramures de bois. Valentine a perdu la tête, c'était pourtant une femme honnête, mais elle a fait une conquête en dansant le tango. Signe évident de décadence, quand les fameuses ont l'imprudence d'apprendre à 40 ans la danse avec des jouvenceaux. Je ne connais rien qui soit plus affligeant que ces jeunes gens, surtout quand ils dansent bien. Quand ils dansent mal, au moins ils s'amusent bien. Et puis enfin, ils ont l'air d'être au bal. Est-ce nécessaire, quand on sait bien danser, de prendre un air tellement angoissé? Les spécialistes, ceux qui dansent très bien, puisqu'ils dansent bien, pourquoi qu'ils sont si tristes? Mais occupons-nous de Valentine, tâchons de pincer la matine, puisqu'elle est devenue libertine en dansant le tango. Mon âme est toujours très chagrine quand je m'éloigne, on m'a dit. Mais grâce à Dieu, tu le devines, on se reverra tantôt. Mon âme est toujours très chagrine quand je m'éloigne, ô ma divine. Mais grâce à Dieu, tu le devines, on se reverra tantôt. Kartumbel aft of netisquer, ketam den aft opio den erke volopo fakaneret, zazerin limopte keret. Dame jolie, assurément, vous comprendrez bien aisément que ce sont là des compliments qu'il m'est absolument inutile de vous traduire. Que faut-il faire? Lui sourire, tout simplement. Soyez assis, soyez assis. Ça veut dire merci. Courba Kafkalo Kashnessi. Ça c'est pour votre anniversaire. Préparez-vous pour le cadeau, je vous préviens, il est très beau. C'est un magnifique brillant. Soyez surprise en le voyant. Carré du bizarret ou dic. Le fait est, il est magnifique. De tout mon cœur, mais c'est beaucoup trop beau pour un amour de cœur. Dites-lui ça, que c'est trop beau, beaucoup trop beau comme cadeau quand on n'est que l'amant de cœur. Je veux bien, mais si par malheur il répondait « Roubis caillé », cela voudrait dire prière de ne pas vous payer davantage ma cafetière. Noble vieillard, n'ayez pas peur, un homme est toujours enchanté d'être traité d'amant de cœur. Et vous devez vous y connaître assurément bien mieux que moi. Hippage Bayou, quatre vinaîtres, les fennecs y campent. Métier pénible s'il en fut, pour un membre de l'Institut, je suis devenu l'interprète de ce marchand de cacahuètes. Et je gagne 100 francs par jour à traduire les mots d'amour qui se disent en tête à tête. Choisi par le gouvernement, je ne pouvais évidemment me dérober en l'occurrence, puisque je suis le seul en France à pouvoir, hélas, expliquer ce langage si compliqué en me servant d'équivalent. Que signifie Akumbayou ? C'est un désir qu'il vous exprime au sujet des rapports intimes qu'il voudrait avoir avec vous. Merci beaucoup. Avant la fin de la semaine, j'en suis convaincu, ces gens-là ne prendront même plus la peine de m'éloigner de leurs ébats. Et je me sens rougir à la pensée des onomatopées qu'il me faudra traduire. Voulez-vous, s'il vous plaît, lui dire qu'a-t-elle encore trouvé? Que ce prénom est magnifique et que son seul défaut. Il a compris vos gestes. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Il parle aussi d'une surprise. Mais il ne faut pas que je vous la dise. Entre nous, il s'agit d'un bal que pour ce soir, il organise dans votre jardin. Préparez-vous. C'est une idée que je trouve très bonne. Prenez vos bonnes. Elles sont en train de nous écouter. Voilà, madame, se méfie-nous. Madame, se méfie-nous. Yagou, Padou, Rampadagui, Youpodoborada. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Il parle de son cœur, lequel est très content. Et je crois que c'est le moment de chanter tous en chœur. Rampadagui, youpodoborada. Rampadagui, youpodoborada. Rampadagui, youpodoborada. Rampadagui, youpodoborada. Rampadagui, youpodoborada. Rampadagui, youpodoborada. Pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantalon, pantal Voulez-vous voir un homme extrêmement heureux? C'est toujours amusant de voir un phénomène. Eh bien, sans vous donner pour ça la moindre peine, en ouvrant simplement les yeux, vous pouvez voir un homme extrêmement heureux. C'est quelque chose, un homme heureux. C'est curieux. On peut trouver sur mille une bonne allumette. On peut croire à ce que les Allemands promettent. On peut compter sur les Anglais aussi. C'est bête, mais enfin, on le peut. on peut trouver, mon Dieu, des choses insensées, un mot spirituel dans l'œuvre de Copé, un article à crever de rire dans Le Temps, une femme de 50 ans qui en avoue au moins 40, un monsieur qui déclare exactement ses rentes. On peut finir par obtenir un numéro de téléphone de Wagram. On peut trouver, en cherchant bien, une livre de pain qui pèse 500 grammes. On pourrait découvrir, peut-être, à la rigueur, un Français qui n'est pas la Légion d'honneur. Mais voir un homme heureux, la chose est insensée, la raison se refuse à de telles pensées, c'est fou, c'est incroyable et c'est prodigieux. Eh bien, je suis un homme extrêmement heureux. La déclaration que je viens de vous faire mérite une explication. Voici l'affaire. Mon fils, dont par bonheur votre cœur était pris, car il en était pris, je crois l'avoir compris, mon fils est sur le point de faire une folie, mais vous l'aimez, c'est bien, et vous êtes jolie, c'est encore mieux, donc tout espoir n'est pas perdu. Mais, malheureusement, c'est un individu plutôt original et pour le moins étrange. Il n'aime pas à se montrer, c'est un mélange d'audace véritable et de timidité. Pourrais-je parvenir à vous le présenter? J'y compte. Assurément, mais jusqu'à présent, fus-je obligé d'en employer des subterfuges quand pour son bien, pour son bonheur ou son plaisir, j'ai voulu le contraindre à suivre mes désirs. Sans le diminuer, sans vous faire de peine, il vaut mieux, n'est-ce pas, que je vous en prévienne. Il est capable de vouloir. Vous êtes présenté dans un endroit tout noir. Il est capable, enfin, de toutes les folies. Mais vous êtes jolie. Cependant, pour le prendre, il faut d'abord le prendre, à mon avis, les yeux fermés, sans le comprendre. Viens, s'il est vrai que tu m'attends. Viens, dans mes bras que je te tends. Mets ta rose auprès de ma rose. Offrir son bras, c'est vraiment peu. Et puisqu'on peut t'offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses? Entre tes bras que tu me tends, sais-tu pourquoi, toi, que j'attends? Je me blottis et je me pose. Sais-tu de moi certaines choses? Sais-tu pourquoi? Nous cherchons pas de raison. Les mots ne sont plus de saison. Lorsque déjà les corps se frôlent, tu m'attendais, je suis venu. Mais puisque tu veux l'inconnu, l'inconnu veut garder son rôle. Je ne sais pas faire la cour, mais dans l'art de faire l'amour, on m'a dit que j'étais un maître. Mon masque tient, garde le tien, car j'aimerais beaucoup demain pouvoir ne pas te reconnaître. Entre tes bras, quand tu me tiens, sais-tu pourquoi je sais si bien souscrire à ce que tu proposes? Sais-tu pourquoi je suis ta chose? Je suis ta chose à ce point-là. Sais-tu pourquoi je suis à toi? Sous ton masque de velours noir, quand tu tressailles, je crois voir toutes les belles inconnues qui passèrent sur mon chemin, dont je n'ai pu toucher la main et qu'hélas, je n'ai jamais eu. Jamais, jusqu'ici. Mais ce soir, je vais donc toutes les avoir, baisant leurs lèvres sur les tiennes. Et quant aux bouches qui t'ont plu et que tu n'as pas eues non plus, viens donc les baiser sur la mienne. J'aime pas les bonnes que vous, les vous chacun ses goûts. Sont des personnes qui sont très bien, ça j'en conviens. Seulement je m'étonne qu'on puisse, enfin je n'y comprends rien, qu'elles soient bretonnes, du Sénégal ou du Cantal, ça m'est égal. J'aime pas les bonnes quand c'est par là que l'on commence et qu'on fait ça dès son enfance avec les bonnes. Ça change tout, certainement, seulement chez nous, malheureusement. Toutes les bonnes qui étaient jolies, mon grand-père les gardait pour lui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'aime pas les bonnes, que voulez-vous, chacun ses goûts. Ce sont des personnes qui sont très bien, ça j'en conviens. Seulement je m'étonne qu'on fasse, enfin je n'y comprends rien, qu'elle soit bretonne, du Sénégal ou du Cantal, ça m'est égal. J'aime pas les bonnes. La lava pimosto genidi. Gardum par amorel cusnac. Aste cavam per reptistac, o magel dine. Hic panicum tinet fadi. Panim mancam utu lasti, utu masti, utu masti. Pus da copec su magaredi, benite ma fcatel jorime la ratine canonofonium cartese e sorum scese e sorum quelque polonaise, I love you, elle comprendra. Serrez bien fort entre vos bras la plus exquise des Anglaises. Et murmurez-lui, je t'aime. Vous aurez tout dit d'un seul mot, d'un seul mot, d'un seul mot. Pousse d'acropec sous ma gardie. Benite mafca tel jorime la ratine senecano nim cartese. C'est le ragoût tel qu'on le mange en Birmanie. Chaque pays a ses manies et ses coutumes et ses goûts. Eh bien, cela, c'est le ragoût tel qu'on le mange en Birmanie. C'est pas mauvais le goût, si c'est très bon, c'est très délicat. C'est pas mauvais le goût, si c'est... Seulement voilà, faut aimer ça. Oh, c'est bon le koutiska, oui madame, le koutiska, oh là là, le koutiska, oh ouais. C'est simplement du veau farci qu'on fait bouillir dans du champagne avec du maïs, du persil, de la langouste et des lasagnes. Et pour qu'il soit bien réussi, on met quelques fraises d'Espagne. C'est pas mauvais le goût de chisca seulement, voilà fouté, mais ça, c'est pas mauvais le goût de chisca. Seulement voilà fouté, mais ça, oui c'est bon le goût de chisca, mais ça colle après les doigts, alors le dos, bah ouais, oui. Lorsqu'à manger du kouchiska, une personne vous convie. Telle est la mode en Birmanie. On ne vous sert pas un autre plat. On vous en donne 5 ou 6 fois. Seulement, il n'y a pas autre chose que ça. Et c'est précisément pourquoi le kouchiska faut aimer ça. Et c'est précisément pourquoi. Le coup de chisca, faut aimer ça. Un peu de travers, le bleu de ses yeux est plutôt... quelle nuit, quelle maîtresse! Je me croyais un homme âgé, mais quand l'amour est partagé, comme on retrouve sa jeunesse. Ses yeux, aussi doux que sa voix, vous les connaissez comme moi. Quant à sa bouche, elle est divine, mais son corps souple qu'on devine est surprenant quand on le voit. Entendons-nous, comprenez-moi, on exagère quelquefois. Je ne dis pas que c'est Litvine, je dis que ce qu'on imagine est encore mieux quand on le voit. Ah, quelle nuit, quelle maîtresse! Je me croyais un homme âgé, mais quand l'amour est partagé, comme on retrouve sa jeunesse. Excellente combinaison qui nous réunit en ce jour. Car s'il m'épouse par amour, moi je l'épouse par raison. Excellente combinaison qui nous réunit en ce jour. Si je l'épouse par amour, elle m'épouse par raison. Mon rêve était de me plonger dans la fontaine de jouvence. Heureux concours de circonstances, moi je rêvais d'un homme âgé. Je voulais terminer ma vie dans une amoureuse retraite. Je rêvais d'une maisonnette dans les environs de Paris. Et bien que je sois vieux, je plus, c'est un magnifique avantage. Il me plaira de plus en plus, puisqu'il le sera davantage. Excellente combinaison, excellente combinaison qui nous réunit en ce jour. Si je l'épouse par amour, elle m'épouse par raison. Excellente combinaison qui nous réunit en ce jour. Si je l'épouse par amour, elle m'épouse par raison. Excellente, excellente combinaison. Excellente, excellente combinaison. Combinaison. C'était vous? C'était moi. C'est fou. Mais pourquoi? Et comment voulais-tu que je fisse? En aimant les vertus de mon fils, tu le crées, cet enfant. Tu le rends nécessaire. Tu le veux, tu l'espères et l'attends. Tout obstacle important est vaincu. Le miracle étonnant, tu l'opères à l'instant et transfères impromptu ses vertus à son père. Oui, te dis-je, en effet, l'amour fait des prodiges. Tu m'aimais à 20 ans, mais pas plus. Il fallait que pourtant je les eusse. Tu les eus, et pas plus. Il te faut 2 amants, paraît-il, c'est forcé. Mais les faux, sûrement, sois tranquille, sont assez abondants pour 2 hommes. Mais 20 ans, que t'en dire? Ton désir me les rend, donc pour toi... Quel profit, c'est tout comme. Alors, va d'aimer comme. Ça signifie? Viens avec moi. J'ai 2 amants, c'est beaucoup mieux. L'un est très jeune quand je veux, et l'autre est un monsieur sérieux. Ils ne font que même homme, et cela m'autorise en somme.